Chapitre 17e. Malgré sa faiblesse, Ikuteruka observait tout. Il put ainsi voir, au passage, que les murailles de la galerie étaient ornées à intervalles réguliers de peintures vertes représentant des scorpions. Le capitaine Bork, cependant, avançait toujours. Il semblait être chez lui dans le labyrinthe compliqué des couloirs. Il n'hésitait jamais aux bifurcations, tournait à droite, à gauche, sans jamais ralentir. Au-dessus de chaque scorpion peint sur la muraille, une petite lanterne était accrochée à un piton de cuivre et répandait autour d'elle une clarté jaunâtre. Pas un bruit. L'on se fût cru dans les catacombes. Le capitaine Bork s'arrêta enfin devant une porte d'ébène sur laquelle, au-dessus d'un scorpion vert, un caractère chinois, ici, était peint en blanc. Le capitaine Bork, du poing, frappa plusieurs fois contre le panneau et attendit. Une claquette de bois retentit sourdement et avec lenteur, le bâton pivota sur ses gonds de fer. Un gros nègre aveugle apparut. « Ordre du maître, à jeter au scorpion sacré !» lui dit rapidement Bork. Le nègre s'inclina. Ikuteruka, malgré sa bravoure, ne put s'empêcher de frissonner. Ses porteurs s'étaient arrêtés devant la porte. Le gros nègre s'approcha d'eux et, sans mot dire, empoigna le prisonnier par la ceinture, comme un simple paquet, et le déposa en dedans de la porte qu'il referma aussitôt. Ikuteruka vit qu'il était dans un couloir plus étroit que ceux dans lesquels il venait de passer, et qu'une faible lueur, venant de son extrémité opposée à la porte, éclairait. Le nègre, cependant, le souleva de nouveau et se mit en marche, comme s'il n'eût pas été privé de la vue. Il déboucha une vingtaine de mètres plus loin, dans une vaste salle ronde et voûtée, éclairée par trois lanternes vertes suspendues au plafond. Au centre de cette salle, un trou ovale était creusé dans le sol. Le nègre s'en approcha, s'arrêta sur ses bords avec une précision impressionnante et, se penchant en avant, laissa tomber son prisonnier dans l'ouverture. Ikuteruka tomba, à 3 mètres plus bas, sur une couche de sable sec qui amortit sa chute. Tout aussitôt, il se sentit piqué aux jambes. Il comprit tout, le trou était rempli de scorpions. Et impossible de se débarrasser des horribles bêtes, ses chevilles étaient liées ensemble et ses mains retenues derrière son dos par les poignets. Mais il se rendit compte aussitôt au toucher que ce n'étaient pas des scorpions qui le piquaient, mais tout simplement de grosses fourmis. Il se redressa, plein d'espoir. Les insectes continuaient à le fouiller de leurs mandibules, mais ils s'attaquaient aussi à ses liens imbibés de sang. En quelques secondes, il fut libre, il se mit debout. Mais sa faiblesse était telle que ses jarrets faiblirent sous lui. Il dut faire appel à toutes ses forces pour ne pas retomber. Avec des gestes nerveux et frénétiques, il se débarrassa tant bien que mal des fourmis collées à ses jambes et à son corps, puis entreprit de remonter, si possible, à la surface du sol. Hélas, la caverne dans laquelle il se trouvait ne comportait qu'une ouverture, celle qui avait servi à l'y jeter et qui se trouvait à plus de 3 mètres du sol, au centre de la voûte. Ikuteruka comprit qu'elle était inaccessible et à tâtons marcha droit devant lui, à la recherche d'une autre issue. À mesure qu'il s'éloignait du trou par lequel il avait été précipité, les ténèbres s'épaississaient autour de lui. Il fut bientôt dans l'obscurité complète. Soudain, le sol manqua sous son pied, il s'abattit, la tête en avant, dans le vide.